pour nous la séance. T'as joué la mélodie de Bali avec le Didi. Pour nous la séance. T'as joué la mélodie de Bali avec le Didi. Pour nous la séance. Pour nous la séance. T'as joué la mélodie. Ils peuvent pas comprendre. La fille italienne a dit boule milliardaire. Tu vas vivre l'héritier. Charlie, Charlie la puissance. Junior